Exercice 8, page 44. Virlang. J'ai regretté le retard de Gérard. J'ai regretté le retard de Gérard. J'ai regretté le retard de Gérard.